Hey yo, un 9-9-9, quoi de neuf mon frère? Rien que du vieux, perdre un frère, Kader. L'airahmo, l'airahmo. C'est difficile. Bossi AOT 187, Digital Po. On a représenté, on représentera. On a grondé, on grondera. A tous les fachos fâchés, nique sa mère chaque quartier. Tu sais, l'absence a des torts. Tu rien ne défend. KEP, à tous les absents. Les absents manquent. Yo, à tous les mauvais souvenirs. À tous les anciens. Saint-Denis, le 9-3. J'pars d'un principe, aujourd'hui personne ne flippe de sortir ses tripes. Montrer ce qu'il a dans le slip. Les potes perdent leur mère, d'autres leur frère, leur père. Moi c'est le fils, ma soeur, c'est briser le cœur d'une famille entière sans un père. Une pensée pour Kader. J'allumais la mèche, le feu sort du cercle vicieux vieux. Comprends que je t'ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Rappeur à noir, veulent éviter le parloir sans remords. Au passage, gaz les dealers de mort qui, à mes yeux, pour chez eux, se font pas tort. Attends, la torture les attend. Les stubs sont sur ton dar. Perquisition chez toi, Mouksuki, Winsafin Kunti. Bien sûr, me repis 187. Ha! Il faut que tu fumes. Y'a trop de pleine pro dans ce monde de blaireau. Surtout, perds pas le contrôle de ton cerveau. J'ai vu des pacos qui pètent les plombs, d'autres qui pétons. Mais le pire, c'est de partir sans revenir, devenir souvenir. La mort te fauche sans prévenir. Tu remettrises réalité. Kader nous a quittés. Que ton âme repose en paix. Big respect pour Derka. Putain, t'es plus là. Ça me foulagera. Une chose est sûre ici, on ne t'oubliera pas. APER et moi, Ritva, on essaie de marcher droit. Tout en esquivant les tabas, les garbas, la noucha. Mais c'est toujours l'allerga. Les jeunes qui craient, y'a pas de vaitra, donc pas le choix. Obligé de choix, du grave le zatla. Mais gare à toi, y'a trop de danse bas, y'a trop de distra dans ce monde de pulcra. Tout sur leur sofa. Maintenant tu sais pourquoi les jeunes sont fâchés. T'inquiète pas, refrain, on t'oubliera jamais. Encore un gosse assassiné. Car que sur ce disque t'en entendras parler. Maintenant tu sais pourquoi les jeunes sont fâchés. T'inquiète pas, refrain, on t'oubliera jamais. Encore un gosse assassiné. Y'a que sur ce disque t'en entendras parler. Regarde la rue, c'est abusé, les contours sont flous. Le béton est partout, on grandit dans des cages de merde. On vise l'aide sociale, seul capital. La souffrance s'installe, d'échec en échec. Le chèque vide et vide les idées. Un pack de bière gamberge, on voit pas le bout. On rêve à des enjeux, ça boue sur le feu. Sortir du trou, première étape. Le tunnel s'écarte, c'est comme elle écarte. La chance tourne, la roue tourne, vas-y aux alèses. Presse tes ailes, y'a pas le temps de doucher. Demain dépend de tes poches, faut pas se cacher. Sache que les canailles sont proches, que tes poches. Faut les blinder, même s'il le faut. Allez casser, déguiser, j'ai pas de conseils à donner. Mais c'est comme ça, c'est les faits. On fait comme on peut, sinon c'est laisser aller sur laisser aller. À l'arrivée, ta tête est mise à mort. Des corps de clochards, la piste dans les couloirs. Confronté au désespoir, c'est assez. Y'en a assez, les miens sont lassés. Y'a trop de vices ici, ma mère dit. Je reconnais plus mes fils, la vie c'est le vice, c'est ça. Je te jure qu'on voulait pas ça. La rue, la maille, maman, t'assures la famille avant. Disney Mafia 9-3, Léon, le lion. Wilson, on pose pour DRK. Ouais, ouais, je pose pour DRK. Pour DRK, pour DRK. Hey yo, hey yo, yo, yo, yo. Mike en main, d'ici demain, je veux voir les souvenirs. Alors je t'abture en oubliant les mauvais souvenirs. Ce morceau, c'est pour tous ceux qui sont partis sans me prévenir. Tous ceux qui n'ont pas vu leur mort venir. Écoute bien, je te parle de la réalité. Pas d'instant plaisant, c'est la rage pour tous les potes qui ne sont plus présents. Présent. Maintenant tu sais pourquoi les jeunes sont fâchés. T'inquiète pas, refait, on t'oubliera jamais. Encore un gosse assassiné. Y'a que sur ce disque t'en entendras parler. Maintenant tu sais pourquoi les jeunes sont fâchés. T'inquiète pas, refait, on t'oubliera jamais. Encore un gosse assassiné. Y'a que sur ce disque t'en entendras parler. Pour Kader que je considère comme mon frère. Un message sincère qui sort du fond du cœur de tous mes amis. T'étais celui qui avait le plus de cœur. On a grandi ensemble, ensemble on rêvait tous les deux d'un monde meilleur. Maintenant je me retrouve tout seul ici et toi t'es ailleurs. D'ailleurs ici tous les jours on pense à toi. Inch'Allah qu'au ciel t'as déjà une place près d'Allah. J'ai mal au cœur quand je pense que t'es mort derrière les robas. J'ai même pas eu le temps de te serrer dans mes bras. Ici les gars le savent, Kader c'était un brave. Kader c'était un brave. Maintenant tu sais pourquoi les jeunes sont fâchés. T'inquiète pas, refrain, on ne t'oubliera jamais. Encore un gosse assassiné. Y'a que sur ce disque t'en entendras parler. Maintenant tu sais pourquoi les jeunes sont fâchés. T'inquiète pas, refrain, on ne t'oubliera jamais. Encore un gosse assassiné. Y'a que sur ce disque t'en entendras parler. Maintenant tu sais pourquoi les jeunes sont fâchés. T'inquiète pas, refrain. fait, on t'oubliera jamais. Encore un gosse assassiné. Y'a que sur ce disque t'en entendras parler.